On se lève dès le matin, le cœur sur la main, le sourire nous fend la gueule, on rit de rien. Le soleil païen, il est là, se fait un café. Un nuage pleure de bonheur, la pluie est née. Une grenouille part en balade, pas trop pressée. Passe un prince, un peu malade, l'amour est né. La clameur née de l'aurore va pas s'arrêter. Ils sont la joie à nos bords, allons chanter. La clameur et l'aurore va pas s'arrêter. Ils sont là, joie à nos bords, allons chanter. Allons chanter.